Ne méditent-ils donc pas sur la parole, le Coran ? Où est-ce que leur est venu ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres ?